Ben là, on rentre, le bateau est rempli. Mm-hmm. Mais non, là, ils sont rentrés tout à l'heure à 9h. Donc les mecs débarquent la pêche, ils vont chez eux, on revient déplacer le bateau demain matin. Mm-hmm. Vendredi matin, on refait le plein, et samedi, on part. D'accord. Les mecs ont le temps de dire bonjour, au revoir.